Chong Il-sim, femme du héros de la République Han Dong-soo, a fait parvenir une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sur la colline Mansu à l'occasion du nouvel an 106 du Jutse 2017. La corbeille de fleurs y est déposée le 30 décembre.